Suite, troisième MP3. Nous avons entendu demander à quelques personnes ce que venait faire, au milieu des mémoires de M. de Chateaubriand, l'histoire éloquente de l'Empire et de l'Empereur. Le prétexte qu'on nous donne, la nécessité de mettre le lecteur au courant de l'état des affaires politiques au moment où l'auteur entre dans la vie publique, n'a pas paru suffisant pour excuser une telle digression. La vie de Bonaparte, donnée simplement comme moyen d'expliquer quelques luttes de presse ou de parlement, le cadre dépassait ridiculement le tableau. Personne n'a voulu supposer M. de Chateaubriand capable d'une telle faute de goût. Historien, a-t-il simplement voulu saisir l'occasion de faire réparation au grand homme qu'il s'était cru, en qualité de chef de parti, autorisé, obligé peut-être, à calomnier ? Auteur d'une invective fameuse qui figurera auprès des monuments de l'éloquence antique et parmi ceux de l'injustice contemporaine, a-t-il voulu, par une appréciation plus saine, réhabiliter son jugement aux yeux de la postérité ? Ou bien encore, avait-il quelques traits d'éloquence à placer sur un ton différent de ceux qu'il avait fait entendre pendant sa vie ? Rhéteur, avant toute chose, comme le sont les amants passionnés de la forme, après avoir tiré de l'indignation et de la haine tout ce qu'elle contenait des faits oratoires, aurait-il eu regret à ne pas fouiller, à leur tour, les lieux communs de l'admiration et de la gloire ? Tous ces motifs ont pu contribuer à égarer ainsi sa narration sur le chemin de tous les champs de bataille de l'Europe. Il nous est difficile, cependant, de n'en pas supposer un plus direct, plus personnel encore. Il perce, suivant nous, à toutes les lignes, sous des formes diverses, un peu timides, un peu honteuses, mais qui ne permettent pas de s'y méprendre. Rapprochez seulement ces passages qui paraissent écrits par une main tremblante d'une passion contenue. En premier lieu, le récit de son entrevue avec le premier consul, qui venait de le nommer secrétaire d'ambassade à Rome, à la suite de la publication du Génie du christianisme. Guillemets. J'étais dans la galerie lorsque Napoléon entra. Il m'aperçut et me reconnut, j'ignore à quoi. Quand il se dirigea vers ma personne, on ne savait qu'il cherchait. Les rangs s'ouvraient successivement, chacun espérait que le consul s'arrêterait à lui. Il avait l'air d'éprouver une certaine impatience de ses méprises. Je m'enfonçai derrière mes voisins. Bonaparte éleva tout à coup la voix et me dit « Monsieur de Chateaubriand !» Je restai seul, alors, en avant. Bonaparte m'aborda avec simplicité, sans me faire de compliments, sans questions oiseuses, sans préambule, comme si j'eusse été de son intimité, et comme s'il n'eût fait que continuer une conversation déjà commencée. Fin des guillemets. Puis il revient de Rome, nommé par une faveur très spéciale et malgré une conduite diplomatique assez puérile, ministre en Valais. Il se présente aux Tuileries, la veille de la condamnation du duc d'Enghien. Guillemets. À mesure, dit-il, que Bonaparte s'approchait de moi, je fus frappé de l'altération de son visage. Ses joues étaient dévalées et livides, ses yeux âpres, son teint pâle et brouillé, son air sombre et terrible. L'attrait qui m'avait précédemment poussé vers lui cessa. Au lieu de rester sur son passage, je fis un mouvement pour l'éviter. Il me jeta un regard comme pour chercher à me reconnaître, dirigea quelques pas vers moi, puis se détourna et s'éloigna. Lui étais-je apparu comme un avertissement ? Fin des guillemets. Enfin le crime est consommé, et M. de Chateaubriand, par un acte de grand courage, dont il se vante à bon droit, envoie sa démission motivée au meurtrier, déjà despote, et qui allait devenir souverain. Mais écoutez la réflexion. Guillemets. En osant quitter Bonaparte, je me plaçais à son niveau. Il était animé contre moi de toute sa forfaiture, comme je l'étais contre lui, de toute ma loyauté. Jusqu'à sa chute, il a tenu le glaive suspendu sur ma tête. Il revenait quelquefois à moi par un penchant naturel. Il cherchait à me noyer dans ses fatales prospérités. Quelquefois, j'inclinais vers lui par l'admiration qu'il m'inspirait, par l'idée que j'assistais à une transformation sociale, non à un simple changement de dynastie. Mais, antipathique sous beaucoup de rapports, nos deux natures reparaissaient. Et s'il m'eût fait fusiller volontiers, en le tuant, je n'aurais pas senti beaucoup de peine. Fin des guillemets. Puis suit cette phrase, qui n'a qu'une explication possible, mais dont l'orgueil même de l'écrivain paraît s'être embarrassé, car il l'a tournée en termes énigmatiques. Guillemet. La mort fait ou défait un grand homme. Elle l'arrête au pas qu'il allait descendre ou au degré qu'il allait monter. C'est une destinée accomplie ou manquée. Dans le premier cas, on est à l'examen de ce qu'elle eût été. Dans le second, aux conjectures de ce qu'elle aurait pu devenir. Fin des guillemets. Sera-ce maintenant une interprétation forcée de donner à tout ceci un sens qui, à nos yeux, n'est pas douteux? Voici, suivant nous, la pensée que M. de Chateaubriand nous a laissée à compléter, à bon entendeur, demi-mot. Le XIXe siècle a vu naître deux hommes, placés au même niveau, Bonaparte et Chateaubriand. Ces deux hommes se sont cherchés, repoussés, attirés, consultés, tout le temps de leur existence commune. Quand leurs regards se sont rencontrés par hasard, ils ont éprouvé l'un et l'autre un coup et un contre-coup, une attraction et une répulsion magnétique. On sait ce que l'un a été, on ne sait pas ce que l'autre aurait pu être si son égal ne lui avait fait obstacle. La vie de l'un complète explique celle de l'autre. Et voilà pourquoi, pour que le tableau soit exact, il faut les mettre toutes les deux en pendant et en parallèle. Comme les mêmes faits pourtant frappent diversement la diversité des esprits. Pendant que M. de Chateaubriand plaçait ainsi résolument son piédestal à la hauteur et en face du trône du monde, une idée nous venait en tête, et nous ne pouvions nous en défaire. Le récit de ces actes d'opposition au pouvoir absolu de l'empereur, tout en nous inspirant une juste estime pour son courage, nous suggérait cependant une question dont nous ne trouvions pas sur le champ la réponse. Nous l'exposerons sans détour. L'empereur n'aimait pas à être contrarié, encore moins bravé en public. Il avait ses raisons pour cela. L'auteur de l'Allemagne en sut quelque chose dans son exil. Il le fit entendre assez clairement quand M. l'aîné se permit, à la tête du corps législatif, de trouver la campagne de Russie affligeante et de faire des vœux pour la paix. Et cependant, ni l'Allemagne, ni le discours de 1813 ne renfermaient des allusions aussi directes, des vérités aussi outrageantes, que M. de Chateaubriand en inséra dans le fameux article du Mercure de 1807, ou dans le discours qui dut être et ne fut pas lu à l'Académie. Jamais Madame de Staël ne prononça le nom de Tibère en regardant au-dessus d'elle, ni celui de Tacite en se regardant elle-même. Jamais M. l'aîné ne demanda, même pour le corps législatif, la liberté de parole et de discussion que M. de Chateaubriand réclamait pour l'Académie. Aucun d'eux, surtout, n'osa réveiller l'écho de Vincennes et ébranler ainsi la fibre la plus sensible du cœur du maître. En fait de hardiesse, par conséquent, il faut reconnaître que M. de Chateaubriand est allé plus loin qu'aucun des rares adversaires du régime impérial. D'où vient qu'il fût mieux traité qu'aucun autre? D'où vient que, jouant ainsi témérairement avec la colère du lion, il ne réussit qu'à l'impatienter un instant, jamais à le faire écumer ni rugir? C'est de lui-même que nous le tenons. Sa démission, à la suite de la mort du duc d'Enghien, fut accueillie par ces deux secs monosyllabes. « C'est bon !» Deux menaces, trop violentes pour être sérieuses, répondirent à ces deux tentatives de publication libérale. Il ne fut pas même question de les mettre à exécution, à moins qu'il ne faille voir un cul de basse-fosse dans la place de surintendant général des bibliothèques de France qui, deux mois après, fut offerte à l'offenseur par l'offensé. En fait de persécution, nous ne voyons guère qu'un petit voyage à Dieppe, entrepris sur un ordre verbal du préfet de police. Ordre que nous avons entendu contester par un témoignage fort compétent. Enfin, il est impossible de reconnaître un autocrate bien irrité dans cette petite anecdote que les mémoires nous racontent eux-mêmes à propos d'un portrait de Giraudet qui figurait au salon et qu'on avait éloigné des regards de l'empereur. « Où est, dit Bonaparte, le portrait de Chateaubriand ?» Il savait qu'il devait y être. On fut obligé de tirer le proscrit de sa cachette. Bonaparte, dont la bouffée généreuse était exhalée, dit, en regardant le portrait, qui était fort noir, « Il a l'air d'un conspirateur qui descend par la cheminée. » Il est donc avéré que M. de Chateaubriand fit tout ce qu'il put pour irriter Bonaparte, et que Bonaparte s'irrita très peu. n'ayant pas songé à la communication secrète et magnétique de ces deux natures, et n'étant pas très touché de cette explication mystique, voici, faute de mieux, ce que nous avions imaginé pour résoudre ce problème. En fait de despotisme et surtout de persécution, Napoléon n'aimait pas le superflu, et, si l'on ne peut dire qu'il ne soit toujours borné au nécessaire, il se contentait au moins de l'utile. La sincérité de ses grandes colères a toujours été mise fortement en doute par ceux qui l'approchaient. On pouvait le gêner, l'inquiéter facilement. Il se fâchait et surtout s'emportait malaisément, et jamais mal à propos. Il était ombrageux et n'était pas susceptible. Ce qui pouvait nuire à son pouvoir, à l'ordre précaire, si péniblement rétabli en France, il le frappait sans pitié. Nous n'avons jamais vu qu'il se soit montré très jaloux sur ce qui ne touchait qu'à sa personne. Il n'appartient qu'aux grands hommes de taille humaine d'avoir un amour-propre plus étendu encore que leurs facultés. Le sien disparaissait dans l'immensité de son pouvoir et de son génie. Tel que nous le connaissons, armé comme il l'était d'une censure toute-puissante, il devait s'inquiéter peu des invectives de M. de Chateaubriand, qu'il était sûr de pouvoir toujours arrêter à temps. La nature et surtout la mesure de ses opinions lui plaisaient. Pour l'Empire français, la religion du génie du christianisme lui convenait et lui suffisait. Avant tout, Napoléon se croyait prédestiné à terminer la Révolution française. Disons mieux, il croyait qu'elle avait déjà trouvé son terme en lui. Il pensait avoir résumé et satisfait en sa personne tous ses intérêts. Il détestait ses passions. Il redoutait ses doctrines. Plus même leur expression était élevée, plus leur organe était pur, plus il en concevait d'ombrage. Il tenait 93 muselés. Il logeait les régicides dans son conseil d'État avec plus de dédain que de crainte. Mais l'ombre seule de 89, surtout quand elle lui apparaissait dépouillée du linceul sanglant de la terreur, le faisait involontairement pâlir. Telle était la raison de son inimitié systématique contre tous ceux qui avaient conservé l'inspiration de cette époque mémorable. Avait-il raison dans cette haine qui ne faisait pas de distinction? À coup sûr, on n'attend pas que je le décide. Dans les ténèbres où nous sommes plongés, bien hardi qui décidera en bien ou en mal du résultat final de la Révolution française. Depuis 60 ans qu'elle court le monde, avec son cortège mélangé de biens et de maux, elle n'a pas besoin de répondants. Elle est assez grande pour répondre d'elle-même. Elle a de l'âge, interrogez-la. Toujours est-il que M. de Chateaubriand avait rendu à l'empereur un des services qu'on n'oublie pas en détachant les esprits de l'idéal de 89. Au type de liberté et d'égalité imaginaire que le XVIIIe siècle avait eu sans cesse devant les yeux, il avait substitué un type nouveau qui se prétendait ancien, ce qui était un mérite de plus. À la place de Romains de théâtre cachant un poignard sous leur toge et qui avaient si bien passé par les fenêtres du 18 Brumaire, il avait fait éclore des chrétiens, des chevaliers, qui n'étaient pas de beaucoup meilleur alloi, mais qui figuraient beaucoup plus convenablement autour de l'autel de Notre-Dame et du trône impérial. Parlant sérieusement, il avait mis l'imagination et la poésie de complicité dans l'œuvre de restauration sociale à laquelle Napoléon attachait son nom et qu'il comptait léguer à sa dynastie. Or, Napoléon ne dédaignait ni la poésie ni l'imagination. Il avait trop à faire avec elle. Il savait de quel poids sont ces deux divinités mobiles dans ces conseils suprêmes où se décident les destinées des empires. En Égypte, à Arcole, à Marengo, il avait entendu le bruit de leurs ailes passer au-dessus de sa tente. Il tenait à rester leur favori. Tel était le secours que M. de Chateaubriand avait prêté, peut-être sans le savoir, à la politique de Napoléon. En dépit de son hostilité contre le nouveau maître de la France, il n'était au fond qu'un des ouvriers de son œuvre. Il avait chanté pendant que l'autre agissait. Aux yeux de la politique impériale, cela valait mieux que des compliments et faire passer et faisait passer sur des insolences. Cette politique lui savait gré de ce qu'il avait fait et peut-être aussi, disons tout, de n'avoir pas fait davantage. Elle était bien aise qu'il eût remis le christianisme, cette grande institution conservatrice, en honneur. Mais elle n'était pas fâchée qu'en la réhabilitant, il en eût fait une affaire de mode et de sentiment, plus que de convictions sérieuses. On le sait, en effet, on l'a dit 100 fois. Le génie du christianisme n'est pas une apologétique sérieuse de la religion. La démonstration se borne à ceci, qu'en fait d'inspiration poétique, la Bible vaut l'Iliade, et que les traditions chrétiennes ont autant de charme que les fables homériques. M. de Chateaubriand a rendu ainsi au christianisme les proportions d'une mythologie brillante, animant une morale saine. Mais de la simplicité sévère de ses dogmes, mais de l'esprit de vie qui les anime, mais de ses appels directs et pressants par lesquels il gourmande la conscience individuelle, mais de ses traits acérés qui, au sein de la corruption du monde romain, allaient toucher et faire tressaillir tant d'âmes païennes, vous n'en retrouverez rien dans les écrits de M. de Chateaubriand. Il n'y prétendait pas, je le sais bien. Il n'était pas prédicateur. Il n'était ni Augustin, ni Jérôme, ni Bossuet, ni Pascal. Et c'est justement parce qu'il n'avait rien de commun avec un père de l'Église que l'empereur le prenait en si bonne part. Que la grande ombre de l'auteur du Concordat nous le pardonne, nous savons parfaitement qu'il comprenait par le génie toute la majesté de la sainte religion de nos pères, mais nous doutons que, lorsqu'elle lui apparaissait dans toute sa sévérité morale, avec l'esprit d'indépendance qui l'anime, avec les limites qu'elle impose à toute autorité humaine, elle fut entièrement de son goût. Dans le fond de la pensée évangélique, il retrouvait encore trop de philosophie. Du sein de la conscience, il voyait renaître la liberté. Lui qui ne put vivre en partage de pouvoir avec le plus bénin des papes, il n'eut pas longtemps vécu en bonne amitié d'intelligence avec un grand esprit chrétien dans toute la force et l'étendue du terme. Il eut rencontré là des rapports d'égalité qu'il n'aurait pu tolérer. Si cet antagonisme s'était trouvé sur son chemin, s'il y avait eu place sous son règne pour des Athanases ou des Saint-Bernard, c'est alors que le monde eût assisté à de grands combats. M. de Chateaubriand a-t-il pensé, par hasard, avoir donné un de ces spectacles? A-t-il pensé avoir résumé en lui l'ordre moral, tandis qu'il voyait dans Napoléon la représentation de l'ordre matériel? Il se serait gravement trompé. Sa religion poétique convenait parfaitement à la religion politique de l'empereur. Le souverain se sentait la main sur elle et la dominait encore de toute la tête. Une religion extérieure et brillante qui aurait diverti les imaginations, garanti les intérêts et lui aurait abandonné les consciences, cela faisait très bien son affaire. C'eût été un aliment pour l'exaltation des têtes jeunes et vives et un préservatif pour le bon ordre de la société. Voilà pourquoi il tenait tant à envoyer l'auteur du génie du christianisme, secrétaire d'ambassade à Rome. C'était le complément du Concordat. Une œuvre d'art gracieuse correspondait assez exactement à un acte du gouvernement sensé. Seulement, l'œuvre de l'empereur, fondée sur le bon sens, s'est consolidée en durant. Celle de M. de Chateaubriand, confiée à l'imagination, s'est égarée sur les pas de ce guide aventureux. L'Église catholique, rétablie matériellement par le Concordat, a affermi et étendu son empire. La réaction religieuse provoquée par le génie du christianisme, qui n'avait pas pénétré à une très grande profondeur dans le sol et qui avait plus rapidement porté des fleurs qu'elle ne pouvait pousser de racines, n'a pas tardé à se dénaturer. D'un peu frivole qu'elle était dans l'origine, elle est bientôt devenue profane et plus tard sacrilège. M. de Chateaubriand avait dégagé la poésie du christianisme. La poésie n'a pas tardé à s'y faire maîtresse et à le traiter comme son bien. Elle y a ajouté, elle l'a élargi, assoupli, énervé à sa fantaisie. Il avait établi des comparaisons qui manquaient un peu de respect entre les charmes de la vérité et ceux de l'erreur. Les comparaisons ont tourné en confusion et en mélange. Il avait élevé, dans les martyrs, des autels à la fois aux dieux des chrétiens et aux dieux d'Homère, si bien parés l'un et l'autre qu'on hésitait entre eux, mais assez distinctes cependant pour qu'on ne pût pas s'y méprendre. Ses successeurs ont tout fait rentrer dans un panthéon en désordre, où Dieu et les démons, le bien et le mal, le vrai et le faux, la passion et la vertu, reçoivent le même encens souillé et entendent les mêmes cantiques verbeux. Il n'est personne aujourd'hui qui n'en souffre. La profanation des choses saintes est le mal de la littérature et de la société actuelle. Elles seront condamnées au dernier jour par le second article du Décalogue. Vous ne prendrez pas le nom de Dieu en vain. La génération précédente se jouait du christianisme. celle-ci joue avec lui. Le sacrilège a succédé à l'incrédulité. Il serait injuste, assurément, de faire remonter jusqu'au génie du christianisme la solidarité de pareils travers. Ni la langue de M. de Chateaubriand, ni son esprit ne se prêtaient à de tels écarts. Un sens droit et une phrase nette l'ont toujours distingué du vague panthéisme de son école. Mais il est certain que l'entreprise de réhabiliter le christianisme, plutôt encore comme beau que comme vrai, au point de vue de l'art plus que du dogme, a été le commencement de ces traitements familiers et blasphématoires que nous lui voyons subir, et que le premier qui a dit que Dieu était un grand poète a autorisé d'autres à penser, s'il ne pensait déjà lui-même, qu'en qualité de confrère, tous les poètes sont de petits dieux. Mais reprenons le fil des mémoires. La hardiesse de M. de Chateaubriand contre l'empereur tout-puissant eut du moins pour lui cet avantage qu'elle lui donna le droit de l'attaquer sans ménagement lorsqu'il n'était déjà plus le maître du monde, mais seulement un défenseur du sol français, serré contre les murs de sa capitale par 5 armées victorieuses que son bras seul tenait en échec. Ce fut, il nous le raconte, dans le petit bois de la vallée au Loup, au bruit du canon des alliés, qu'il écrivit les premières notes qui servirent à la brochure de Bonaparte et des Bourbons. Par parenthèse, il nous paraît plus que douteux que la date indiquée par les mémoires, en décembre 1813, on put entendre, du Val au Loup, le canon d'armée qui était encore à 50 lieues de Paris, et nous sommes heureux de le penser. Ce tableau d'un patriote, établi dans une petite maison de campagne et écrivant à tête reposée un pamphlet contre le général des armées françaises au son des armes étrangères, n'a, quoi qu'on fasse, rien qui plaise. Et on aurait pu nous épargner ce détail répugnant, surtout s'il est contraire à la vérité. À cela près, nous ne ferons pas le procès à M. de Chateaubriand pour l'amertume de son invective contre un vaincu. Il a très bien démontré qu'il n'a pas dépassé ce jour-là le diapason de l'injure habituelle en France, le lendemain de la chute d'un pouvoir, quel qu'il soit. En s'emportant contre Bonaparte, il faisait comme beaucoup de ses meilleurs amis de la veille. En désignant les Bourbons, au regard de la France abattue, il ne leur rendit pas un service, il leur imposa une lourde charge. Les Bourbons, rentrant à la suite de l'invasion, subirent alors une fatalité de leur situation. Le malheur fut pour eux. L'avantage fut pour la France écrasée, à qui ils épargnèrent une occupation prolongée, qui, pour un temps, non pas pour toujours assurément, l'aurait réduite au sort de la Pologne. M. de Chateaubriand démontre cela avec beaucoup de vérité et de noblesse. Nous constatons cette défense généreuse avec plaisir. Nous aimons qu'on soit de son parti, qu'on défende sa cause, quelle que soit cette cause et ce parti. C'est un plaisir que M. de Chateaubriand ne nous fait pas souvent dans le récit de sa carrière politique. De 1814 à 1848, la France a fait pendant 34 ans l'essai du gouvernement représentatif. 3 fâcheuses dispositions ont principalement contribué à donner par 2 fois à cette tentative une si triste issue. Un esprit d'opposition générale et systématique contre le pouvoir, l'excès des prétentions, la vivacité des inimitiés personnelles. Ces 3 traits du caractère de la nation, communs à presque tous nos hommes politiques, ont rendu le gouvernement à peu près impossible, avec des institutions dont la liberté encourage la résistance, excite l'ambition, donne carrière au ressentiment. Nous n'avons pas souvenir de les avoir jamais vus nulle part si prononcés que dans le portrait vivant qui nous est tracé par les mémoires d'outre-tombe. Homme public pendant 15 ans, mêlé à la politique par ses préoccupations quand il ne l'était plus par ses actes, M. de Chateaubriand a fait opposition à tous les pouvoirs, il a prétendu à tout. Il a fini par détester tout le monde. Les griefs de ses oppositions constantes, le dépit de toutes ses vanités blessées, le fiel de toutes ses haines contenues, voilà ce qui compose les 4 derniers volumes de ses mémoires. Plus d'un lecteur se sentira, comme nous, en abordant cette partie de l'ouvrage, dans une situation d'esprit tout opposée à celle qu'il inspira. Monsieur de Chateaubriand ne décolère pas, passez-moi le mot, contre les partis et les hommes qui se sont succédés au pouvoir. Pour notre part, Le récit de ces belles années de liberté et de paix nous inspire un sentiment de reconnaissance qui s'étend à ceux dont le nom s'y trouve mêlé. La tâche entreprise par les deux monarchies constitutionnelles, dans des conditions différentes, nous paraîtra toujours, quel qu'en ait été le succès, la plus noble qu'aucun gouvernement se soit jamais proposée. Concilier les principes de l'autorité royale avec les garanties de la liberté publique. Sur le terrain rasé par la Révolution française, élever un édifice social nouveau qui put se tenir debout par les seules forces du bon sens et de la raison, sans demander à personne le sacrifice d'aucun droit légitime, sans reconnaître d'autres privilèges que ceux de l'inégalité naturelle des intelligences. Se charger de la protection commune de tout le monde, en se laissant attaquer par le premier venu. Voilà le problème qu'ont résolu, pour le bien de la France, pendant 34 ans, les deux gouvernements monarchiques. Ne disons pas, pour notre honneur, ce que la France a fait pour eux. L'histoire sera juste, nous le pensons, pour tous les hommes qui ont mis sincèrement la main à cette œuvre, quel que soit leur nom et leur origine, de quelque bout de l'horizon qu'ils soient partis, quel que soit l'écueil où ils sont venus se briser. Elle sera plus juste pour chacun d'eux que tour à tour ils ne l'ont été les uns pour les autres. Elle prendra probablement à leur égard le contre-pied de l'opinion contemporaine. Impitoyable pour cet esprit frondeur et taquin qui a sapé toutes les bases de l'ordre social, elle leur demandera compte de tous les sacrifices qu'ils ont faits pour lui complaire et leur tiendra compte des efforts qu'ils ont faits pour le dompter. Elle leur fera payer cher une popularité factice. Elle les vengera d'une impopularité encourue au service du pays. En un mot, elle sera indulgente pour les gouvernements, sévère pour les oppositions. Ce sera une manière de rendre et de faire justice à peu près de tous les côtés, car il n'est personne qui, tour à tour, depuis 30 ans, n'ait joué ces deux rôles. Au sein d'une liberté presque sans limite et d'une sécurité sans nuage, l'opinion fut à son aise pour se montrer constamment ingrate. Depuis que nous nous sommes aperçus que ces deux biens ont quelque prix, l'histoire, pour être presque toujours reconnaissante, n'aura besoin que d'être équitable.